Et je claque la porte, frappe cette vie qui me précède. M'observe et m'obsède, triste réalité d'une vie obscène. Okay. Si mon passé est douloureux, le futur n'est pas mieux. Quand je revois ces flammes qui se consument dans leurs yeux. Ils parlent de sans-papiers, pas d'homme ni de famille. Des animaux en cage dans un des hôtels de la ville. Nous n'avons pas de droit dans ce pays de franchouillards. Et dans leurs yeux, nous resterons esclaves de l'Afrique noire. Ça s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi. 13e arrondissement, hôtel, un départ d'incendie. 17 personnes carbonisées, 14 membres censés. Triste bilan de triste vie déjà mal embarquée. Qu'ont-ils tiré de ces leçons de famille calcinée? Voici la triste réponse d'un rappeur bien affligé. Les conditions n'ont pas changé pour ces fils de la terre. Quelques beaux discours, quelques vérités mensongères. Un homme reste un homme, avec ou sans papier. Ne parle pas de normes quand je te parle d'humanité. Égalité, fraternité, ta rêve illusoire. Pour ceux qui viennent d'Asie, terre du Maghreb ou d'Afrique noire. Un homme reste un homme, avec ou sans papier. Ne parle pas de normes quand je te parle d'humanité. Égalité, fraternité, ta rêve illusoire. Pour ceux qui viennent d'Asie, terre du Maghreb ou d'Afrique noire. Nous sommes en juillet 2007, une femme qui se promène. Elle qui aspire la paix d'origine franco-sénégalaise. Elle porte un enfant dans son ventre. Et ça depuis 8 mois. Elle qui rentrait chez elle, elle qui habite à deux pas. Une patrouille de police l'interpelle pour un contrôle. L'entrevue se passe mal et le ton monte à tour de rôle. Soudain ça part en couille, un flic lui balance une patate. Elle se retrouve à terre avec des témoins qui la matent. Assiégée de coups de pied, elle protège son bidon. Et son bébé ne tiendra pas s'il continue l'action. Et puis ils la prennent par les bras et la traînent sur le sol. Pour l'emmener en garde à après quelques coups de grolle. Le lendemain elle sort, lâchée sans inculpation. Mais avec du bleu sur les yeux et des marques des matons. Elle porte plainte contre ses policiers qui prennent la fuite. Mais l'enquête par le parquet sera classée sans suite. Un homme reste un homme, avec ou sans papier. Ne parle pas de nombre quand je te parle d'humanité. Égalité, fraternité, ta rêve illusoire. Pour ceux qui viennent d'Asie, terre du Maghreb ou d'Afrique noire. Un homme reste un homme, avec ou sans papier. Ne parle pas de normes quand je te parle d'humanité. Égalité, fraternité, ta rêve illusoire. Pour ceux qui viennent d'Asie, terre du Maghreb ou d'Afrique noire. J'ai entendu ces fils de pute parler d'autodéfense. Faire usage de la force face à des hommes dans la violence. À vous entendre, une procédure mérite la peine de mort. Comme quoi certains ont vrai quand d'autres personnes sont dans le tort. Abdel Hakim, Hajimi est mort par étouffement. Tué par des policiers qui ont suivi le règlement. Certains ne voient pas le problème car il était violent. Des personnes qui comptent la peine de mort sont des militants. Les policiers ont été convoqués au tribunal. Pour de même fait, d'autres personnes ont eu la peine capitale. Ceux-ci sont relâchés sans aucune inculpation. Encore pire, n'ont pas été suspendus de leurs fonctions. Quelles conclusions tirées d'une histoire bien trop ordinaire? Ont-ils le droit de vie et mort sur tous nos congénères? C'est l'encre de ma triste plume qui pleure à ma place. De la part d'un rappeur affligé que ça dépasse. Un homme reste un homme, avec ou sans papier. Ne parle pas de normes quand je te parle d'humanité. Égalité, fraternité, ta rêve illusoire. Pour ceux qui viennent d'Asie, terre du Maghreb ou d'Afrique noire. Un homme reste un homme, avec ou sans papier. Ne parle pas de normes quand je te parle d'humanité. Égalité, fraternité, ta rêve illusoire. Pour ceux qui viennent d'Asie, terre du Maghreb ou d'Afrique noire.